Salut Charline. Est-ce que vous savez qui on reçoit? Non. Bah non. Tintin. Non. Bien sûr. Et la semaine prochaine, on fait Astérix ou Lucky Luke, je sais plus. Mais non, mais Tintin, c'est le tatoueur des stars. Et la star des tatoueurs. Ah, donc on invite des gens qui dessinent sur d'autres gens, c'est ça? Ouais. Parce que moi, j'ai mon petit neveu qui est dispo la semaine prochaine. Ça fera un bon invité aussi. Oh, Guillaume, ça va. Bon, allez, on prépare sa venue déjà. Comment? Quand on reçoit un artiste, l'un d'entre nous s'imprègne de son œuvre. Ouais, ici, dans le cas d'un tatoueur, il me semble assez logique que non. Oh là là, vous êtes fermé d'esprit. Oui, non, mais non, non, mais non. Ça doit pas être grand. Un t-shirt. Ah non. Le logo de France Inter. Oh là là, Alex, le visage de Léa Salamé. Non, j'ai pas besoin d'avoir Léa Salamé sur la peau parce que je l'ai dans la peau. Bah, l'inverse, c'est pas prêt d'arriver. Ça suffit. Bon, franchement, votre refus, c'est pas du tout professionnel. Mais fais-le, toi. Bah oui. Pourquoi moi d'abord? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que ça n'est pas possible. Ah bon? Parce que moi, en fait, j'ai un problème dermatologique. Oui, alors c'est un peu gênant. Je voulais pas vous en parler, mais pardon. Non, mais t'aurais aimé, sinon tu l'aurais fait quoi. Un jupé sur l'épaule, oui. Mais c'est quoi exactement, du coup, ton problème dermatologique? C'est une grave maladie, même assez rare d'ailleurs. Mais elle a bien un nom, parce que c'est ça. Le nom est tellement compliqué, tu sais, avec des Y, des TH, c'est pas la peine. Ah oui, attends, ça serait pas mythomanie? Oui, il y a des Y et des TH dedans. Votre refus, c'est pas du tout professionnel, ça va, c'est bon, Guillaume. Tu sais quoi, prends un stylo et puis tu me dessines un truc sur le bras, là. Il y verra que du feu, le Tintin. Ok, bah on fait comme avec les autres invités, quoi. Bah ouais, on plie les pages du livre et il voit que du feu. Allez, amène-moi une photo d'Alain Juppé. Bonjour la France. Raclez-vous la gorge un peu, c'est bien. Profitez que le micro est fermé pour m'éclaircir la voix et vous lancer un immense bonjour la France Inter en mi bémol. Non, vous étiez en fa, Charlie. Bonjour à tous en fa dièse. Voilà. Et le micro s'est allumé comme ça, bim, comme par magie. Alors vous écoutez l'émission qui se réunit en synode autour de l'actualité. Oui. Et voici les trois informations qui seront excommuniées avant 18h. Bruno Le Maire est officiellement candidat à la primaire à droite. Son atout, un profil de gendre idéal. Le petit Bruno a reçu une bonne éducation. Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter les mailles de tes dents. La génération des 15-25 ans est moins bien lotie que les précédentes. Plus de 25% des jeunes sont au chômage. Ils sont notamment contraints de rester ou de retourner chez leurs parents. Pourquoi vous invitez plus jamais personne à la maison? C'était agréable. J'entends demain, tu répondras que c'est parce que notre fils nous casse les couilles. Son visage tapisse les murs de nos villes, de nos visages. Son visage tapisse les pages de nos journaux avec la sortie de The Revenant. Un homme a atteint le toit du monde médiatique et cinématographique, Leonardo DiCaprio. Ah, je pensais que c'était Vizorek. Moi aussi. Leonardo qui visait déjà loin, loin, très jeune, dès son troisième film. Descends, petit. C'est très dangereux là-haut. Allez! Descends, petit! Je monte très haut, encore plus qu'avant! Je vais tout là-haut! Et moi, je suis accompagnée de celui qui adore monter très haut pour assurer une belle chute à ses sketchs. C'est Alex Vizorek. Bonjour, Charline Vanhoudacker. Et aujourd'hui, autour de la table, outre une belle ambiance, il y a une belle équipe à 17h20. Ça fait 12 ans qu'il cherche la nouvelle star. Autant vous dire que le type doit pas être extrêmement mélomane. En revanche, qu'est-ce qu'il est persévérant. Et c'est ça qu'on aime ici, chez André Manoukian. Bonjour. Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Et bien, justement, de la persévérance, je vais en avoir dans ma chronique. Puisque c'est la troisième fois que je vais chroniquer cette jeune artiste belge, parce que grâce à, peut-être, on y est un peu pour quelque chose. Vous avez fait les Elle a trouvé un deal et voilà, et c'est une happy ending story que j'ai envie de vous conter tout à l'heure. Merci, vous gardez vos happy end pour vous à 17h30. Lui aussi est persévérant. Tant que vous ne répondrez pas ce qu'il souhaite à sa question, l'infatigable Guillaume Meurice. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi j'ai contacté Claude Goasguen aujourd'hui, c'est le maire du 16e arrondissement de Paris et il s'oppose à l'ouverture d'un centre d'accueil pour les SDF dans le bois de Boulogne parce qu'il veut que ce bois reste territoire des Brésiliennes. Mais non, je voudrais que les Brésiliennes partent aussi. Ah oui, non, en fait, j'aime pas les Brésiliennes non plus. En fait. Et à 17h40, alors elle est très persévérante. C'est une information que je tiens des policiers du 10e chargés de la cellule de dégrisement. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Comment va? Mais très de bien. De quoi on parle? Ça sera un roman. Je raconte l'histoire d'un mec qui croyait qu'il aimait une fille, mais en fait, il aimait un garçon. Et le référent de la République qui préside cette émission est né sous De Gaulle. Vous réalisez votre premier tatouage pendant votre service militaire en 84, quand Coluche reçoit un César pour Ciao Pantin. Vous ouvrez votre atelier de tatouage à Pigalle en 99, quand Paco Rabanne annonce la fin du monde. Je ne sais pas s'il est tatoué, mais timbré, c'est possible. Vous tatouez Barbie pour les 50 ans de la marque en 2009 quand Ariel Dombal nous gratifie d'un documentaire intitulé La traversée du désir. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes Tintin, le tatoueur. Oh, mais oui, Tintin, tatoueur. Tintin, tatoueur. C'est lui. Allez, on y va, alors. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et pas que tatoueur, vous êtes aussi grand gourou organisateur du mondial du tatouage qui va se tenir du 4 au 6 mars à la grande halle de la Villette avec notamment 350 tatoueurs de 30 pays différents. C'est vrai que de pays en pays, il y a des grandes différences. C'est quoi le grand écart dans les techniques ou dans les dessins de tatouage ? Bah depuis qu'il y a Internet, en fait, c'est pas dans les pays que se fait le grand écart, puisque dans le même pays, il peut y avoir des gens qui font différents tatoueurs, qui font tous les styles, qui vont faire du réalisme, du japonais. Ah, il y a une uniformisation, une mondialisation du tatouage. Bah c'est ça, le tatouage japonais a été réinventé par un Suisse qui a inspiré tous les Japonais qui font du tatouage japonais, mais il y a aussi des Japonais qui font du tatouage très old school américain, par exemple, au Japon. Ou avec du gruyère, pour... Pourquoi pas Ça m'intrigue, c'est cette logique de tendance dans quelque chose qui, pour finir, est immuable. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes à la mode avec votre tatouage, ça veut dire que pour sûr, dans quelques années, vous ne le serez pas. Ben, tout à fait, voilà. Il n'y a pas plus antinomique puisque la mode est censée être éphémère. Donc il faut éviter les modes de motifs ou d'emplacements, les trucs trop évidents que tout le monde a. Admettons, nous, on est nuls, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut éviter si on va au mondial du tatouage ? Ah bah si on va au mondial du tatouage, j'ai rien à éviter puisque c'est là que vous allez voir tout ce qu'il ne faut pas éviter. Alors après, si on va chez le tatoueur du coin, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Ben faut aller le tatoueur du coin, il n'est pas forcément mauvais. Hein. Ça peut, c'est un artisan. C'est plutôt un artiste. Des fois, ils ne sont malheureusement que des artisans, mais on est censé être des artistes et faire des dessins, un dessin pour différent pour chaque personne. Après, il y a des tatoueurs qui font des motifs qui sont un peu plus reproduits par tout le monde et qui sont un peu moins des artistes, certes, mais... Oui, Juliette. Oui, parce que quand on va chez le chirurgien esthétique... Pour se faire, par exemple, des nouvelles fesses, mettons. Il y a toujours un petit examen psychologique, quand même, on vérifie que vous n'êtes pas complètement zinzin. Ouais. Est-ce que ça ne serait pas nécessaire, parfois, avant que les gens se fassent tatouer, qu'ils aient un tout petit, même deux minutes d'une conversation pour savoir que leur état mental. Est-ce que le tatoueur joue un peu les psys? Oui, ça nous arrive, puisqu'on a quand même un rôle de conseil et on évite d'avoir des gens qui se font tatouer comme ça à l'emporte-pièce rapidement, puisque de toute façon, quand les bons tatoueurs, en général, il y a quelques mois d'attente, pour pas dire des années. Mais oui, alors ça devient mainstream finalement, le tatouage. Avant, c'était plutôt underground ou plutôt les ouvriers. Est-ce que le tatouage s'est embourgeoisé? Il est devenu mainstream? Est-ce qu'il a toujours finalement la même signification? Il a toujours la même signification, mais pour plus de personnes qu'auparavant. On est vraiment dans l'âge d'or et on a tout fait pour que ce soit populaire. Alors forcément, il y a des émissions de télé-réalité, il y a un retour de kick, forcément. Mais c'est une émission américaine, je pense, l'émission de télé-réalité dont vous parlez, oui, qui est traduite plusieurs. En français, parce qu'on imagine quand même difficilement en France une chaîne faire une émission de télé-réalité sur le tatouage, dans la mesure où, une fois que c'est fait, si vous ratez la coupe de cheveux, c'est moins gênant. J'ai entendu dire qu'il y en a une qui allait faire de la télé-réalité sur des tatouages qu'on va recouvrir, et ça peut s'avérer être assez rigolo, parce qu'il y a des tatouages tellement ridicules aujourd'hui. Voilà, il y a le pire comme le meilleur, il y a des artistes tellement incroyable, mais il y a aussi des gens qui font du travail que c'est... Faut qu'ils... Ah ouais. Cette fameuse émission américaine passe en France sur la fameuse chaîne numéro 23, vous vous rappelez, celle qui était censée être celle de la diversité, pour laquelle le CSA avait offert gracieusement un canal et après la personne a voulu faire de l'argent avec et la revendre. Voilà, c'est celle-là. Exactement. Une dernière question. Moi, j'ai vu un super tatouage ce week-end, c'était la première fois. J'avais une jeune fille plutôt jolie qui avait tatoué derrière l'oreille, André. Alors j'ai dit, oh, comme c'est joli. Elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est mon ex, quel connard. Et bien de toute façon, de tatouage, il va y en être question pendant toute cette émission. On profite qu'on vous a sous la main. Tintin, organisateur du mondial du tatouage, qui sera parrainé cette année par Günther Love et Daphné Burki. C'est du 4 au 6 mars à la grande halle de la Villette. 350 tatoueurs de 30 pays. Et comme c'est le moment du disque, je vais le dédier au ministre belge de l'Intérieur qui a fermé la frontière avec la France. Alors on aurait pu diffuser le Requiem pour un con, mais ce serait trop d'honneur parce que l'homme est aussi borgne. Le mot frontière est un mot borgne. L'homme a deux yeux pour voir le monde. C'est Paul Éluard. Et pour le prouver, Tikkenja Fakoly et fuck les frontières. Wow. comme l'hiver. Et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Appelez liberté, on veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Oh. Y'a plus une goutte d'eau. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. Quand le vent très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Tiken Jafakoli, ouvrez les frontières. Et j'espère que le ministre de l'Intérieur belge n'a pas prévu d'aller au Club Med Sénégal sur ses belles plages dorées, parce qu'on lui donnera pas de visa, j'espère. C'est plus facile dans un sens que dans l'autre, n'est-ce pas? Vous êtes sur France Inter, on est en compagnie de Tintin, le tatoueur star et tatoueur des stars, et l'organisateur surtout du Mondial du Tatouage, qui se tient du 4 au 6 mars à la Grande Halle de la Villette et autour de cette table. Voilà, tous ceux qui vont y aller dès la semaine prochaine, André Manoukian, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. Allez, l'information passée à la friteuse, c'est maintenant. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. François Hollande continue son voyage, mais petit souci, son Airbus est tombé en panne sur l'aéroport de Lima. Ça va pas être facile de leur vendre des avions français, du coup. Télévision, Michel Drucker pourrait arrêter vivement dimanche à la rentrée prochaine. Mais attendez, Michel Drucker pourrait arrêter vivement dimanche. Il faut s'adresser à son public. Oui, et alors il y a des brèves aussi. Et il y aura aussi des brèves. Je crois que mon public aussi oui, a le même âge. Le monsieur vous dit qu'il y aura des brèves. Et on prend tout de suite la direction de l'Amérique du Sud. Oui, où on retrouve notre envoyé spécial sur le voyage du président Guillaume. Le soleil, les cocotiers, on se la coule douce. Non, j'en peux plus Alex, sortez-moi de là. Je sais que je suis sous les tropiques, d'accord, mais avec François Hollande, du coup, ça s'annule. Mais il doit rencontrer aujourd'hui le président argentin, Mauricio Macri. Oui, effectivement, il devrait bien s'entendre. Lui aussi, il a augmenté les effectifs policiers. Lui aussi, il se bat avec les syndicats. Ah, c'est un socialiste aussi? Non, il est de droite, mais il aime le foot. Ah. Hein. D'ailleurs, demain, nous allons même visiter le mythique stade de Boca Juniors que Maradona a enflammé jadis. Formidable, formidable. Ouais, d'ailleurs, Manuel Valls est si jaloux qu'il a failli affréter un jet pour nous rejoindre avec ses fils. Et alors, qu'est-ce doit-on savoir sur ce fameux président Mauricio Macri? Alors, écoutez, Alex, une vraie anecdote. Hein, lors de son mariage en 2010, il s'était déguisé en Freddie Mercury, véridique, hein, sauf que pendant son show, il a accidentellement avalé la fausse moustache. Et c'est le ministre de la Santé qui lui a donné les premiers soins. Bah oui, mais donc des gens ont voté pour lui après ça, malgré tout. Oui, oui, oui. D'ailleurs, Hollande s'est dit prêt à imiter Jean Ferrat, s'il le fallait. Merci, mais bon courage, on vous retrouve demain. Oui, on vous retrouve demain. Soyez prudents, on passe à la politique intérieure. Oui, contre la loi El Khomri, la pétition a dépassé les 400 000 signatures. Oui, la loi El Khomri hein, provoque des faits spectaculaires, hein, comme l'union de tous les syndicats. Ça fait spectaculaire, oui. Elle a même réussi à énerver Jean-Marc Ayrault, qui n'avait plus été tout rouge depuis la maternelle. C'était quand la maîtresse l'avait noté absent, alors qu'en fait, il était présent. Sur le fond, le code du travail va quand même un peu loin dans la souplesse. Hein. Oui, comme c'est parti, Stéphane Le Foll n'est pas loin de proposer le retour de la charrue à bœuf et Emmanuel Macron le retour des autocars. Ah non, ça s'est déjà fait, Alex. Oula, oui, autant pour moi. Ouais, voilà. Passons à droite. Oui, Rachida Dati était invitée sur iTélé et on lui a demandé ce qu'elle pensait de la candidature de Bruno Le Maire. J'ai vu dans son interview dans Le Point, il a dit que son handicap, c'était son intelligence. Bon, ben voilà. Alors, vous trouvez vraiment handicapé par son intelligence? J'en sais rien, mais... Oui, c'est difficile. Bruno Le Maire est trop intelligent. Et le journaliste s'entend la brèche et dit « je peux en poser une autre ». Les Français, ils élisent les plus malins ou les plus brillants? Ceux qui, effectivement, correspondent le mieux à ce qu'ils attendent d'un grand chef d'État. Vous savez, les Français n'ont pas besoin d'avoir un type super intelligent. Eh ben oui, elle y a passé pour le savoir, elle a contribué à en faire élire un. Sans transition, selon le Canard enchaîné, Nicolas Sarkozy s'est réjoui devant Alain Juppé d'avoir négocié un meilleur pourcentage que lui sur les ventes de son livre. Effectivement, il aurait négocié 20%, alors que Juppé, lui, n'a eu que 12%. Et si j'étais Juppé, j'aurais répondu à la primaire, ce sera l'inverse. Télévision, oui. Selon le Figaro, Michel Drucker arrêterait vivement dimanche à la rentrée prochaine. Après 30 millions d'amis, France TV supprime la dernière émission où il y avait un chien à l'antenne. Sans transition, archéologie. Selon le ministre du Tourisme égyptien, une annonce historique aura lieu en avril concernant deux cavités dissimulées derrière le tombeau de Toutankhamon. Il y aurait 90% de chances qu'il y ait quelque chose derrière le mur. On va peut-être retrouver Salah Abdeslam. Et dernière minute, santé. Oui, oui, ça tombe à l'instant. On apprend que la marque Ferrero rappelle à son tour des millions de pots de Nutella après qu'un consommateur ait trouvé des vrais morceaux de noisettes dedans. Restez vigilants. C'est Tintin, le tatoueur, qui nous accompagne jusqu'à 18h. On va aborder avec vous le premier sujet. Bruno Le Maire est candidat à la primaire à droite. Alors, même si ce lancement que je fais là est un peu réducteur face au destin qui s'ouvre devant cet homme. Est-ce que je ne suis pas trop jeune? Est-ce que je ne suis pas trop jeune? Désormais, ma décision, elle est simple. Elle est forte, elle est inébranlable. Oui, je suis candidat pour devenir le prochain président de la République française. Oui, je suis candidat. Oui, je suis. Bruno Le Maire hier soir à Vesoul, et puis dans la savane, hein, mais celle de Disney. Alors, il y a une triclée de candidats à la primaire à droite. Une triclée. C'est plus qu'une triclée. Voilà. Donc c'est difficile de tous les distinguer. Alors je me suis demandé, Tintin, est-ce qu'on ne devrait pas les tatouer pour les distinguer? Bah, j'avais que Bruno Le Maire se plaignait d'avoir les yeux trop bleus pour la télévision, pour lui tatouer un peu de couleur autour, pour détourner l'attention. Ça pourrait. Alors ça nous pose la question du tatouage chez les politiques. Alors déjà, pour qu'ils aient une barbe, c'est assez rare déjà, avoir une distinction physique chez les politiques. Il faut qu'ils aient l'air très très propres sur eux. Est-ce que dans le milieu, on parle un peu de politiques qui seraient tatouées? Il y en a en Nouvelle-Zélande, je crois, qui a été élu, qui est fortement tatoué. Ouais, mais il est mini-juste pas, Il y a juste un Trudeau au Canada. C'est un Maori. Trudeau, il a des tatouages, je crois. Oui, alors le Premier ministre canadien, il a un aigle sur le biceps. Ben voilà. On pourrait voir ça en France, vous pensez? Mais d'après ce que je sais, il y a eu un des présidents qui est tatoué, mais... En tout état de cause, il ne le montre pas. Lequel? Je sais pas. C'est sûr, c'est Giscard. Ah, c'est pas... C'est tatoué Lady Di. Lady Di. pas le tout, j'aurais dû tatouer Vulcania sur la fesse, d'accord. Non, mais j'ai tatoué des grands voyous, mais j'ai tatoué des gros flics aussi, donc ça touche tout le monde. Donc il manque plus que les politiques dans cette série. Il y en a des tatoués. Ouais. C'est quoi le problème de ne pas le dire? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde connaît, tout le monde a un pote, tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui est tatoué. Moi, j'ai un rôle de, un peu comme un toubib. À partir du moment où les gens les montrent, je peux le dire. Je suis pas soifé des gens connus. Il y en a qui m'ont fait signer des contrats de confidentialité, des artistes américains très très très très très très connus. Donc, il faut signer des contrats. Donc, Caprio, pas, il est comme ça. T'as est... pas le droit de le, t'as pas le droit de, t'as pas le droit de le dire. Mais après, j'ai une sorte de déontologie personnelle. Tant que les personnes ne font pas voir leur tatouage, ils ont le droit à l'anonymat. Et moi, en tant que tatoueur, c'est pas à moi de révéler s'ils ont un tatouage ou pas. C'était plutôt sociologique ma question de dire pourquoi un président, même un ancien, pourrait pas le dire aujourd'hui, alors que vraiment c'est rentré dans les mains. Ah, moi je suis d'accord, hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Après, c'est la décision lui appartient. Mais si c'est un tatouage honteux, enfin un soir de beuverie, à l'armée, vous voulez dire, ou comme le proposait Alex ce matin, qui réglerait un fameux problème si les politiciens se tatouaient. Ah bah leur promesse de campagne, ça nous aiderait beaucoup. C'est pas idiot, ça. Parce qu'il y a un côté... J'allais vous le proposer. Ah bah ouais, ça c'est une solution. Vous avez peut-être la solution renouer le lien entre les Français et la politique, c'est de proposer aux politiciens de se faire tatouer leur promesse de campagne. Ah, écoutez, oui. Vous n'êtes pas investi dans un rôle formidable. Vraiment, je soutiendrai l'action. Cela dit, les candidats à la primaire à droite rivalisent de mots pour dire « je suis plus rebelle que toi ». Notamment François Fillon, qui disait dans Gala qu'il a même un jour fait pipi derrière l'église. Oh le malade, il est cinglé, les gars. Mais alors là, par exemple, parmi ces candidats, si l'un d'eux avait un tatouage, ce serait vraiment... Là, il y aurait une forme de rébellion, il y aurait un côté rebelle. Bah, rebelle par rapport à la classe politique qui n'a pas de tatouage, peut-être. Ouais. Mais c'est la seule rébellion qui en sort. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de rébellion dans les tatouages. Peut-être pour quelqu'un comme Frédéric Lefebvre, ce serait l'occasion vraiment de se lancer sa campagne. Un tatouage. André, en fait, se tatouer, ça veut dire revendiquer une appartenance à une tribu culturelle, au fond. Et les hommes politiques, ils veulent être de toutes les tribus, quoi. Je pense que c'est ça. C'est clivant. Mais bien sûr. Et je vous sens inspiré. Ouais. Donc, je vous laisserai bien le micro pour une petite chronique. Ah, Charline. Oui. Vous allez parler de faire découvrir. Eh bien, je vais vous raconter la fin d'un triptyque. C'est l'histoire d'un gars qui aimait le jazz, mais qui a dû faire des études sérieuses pour faire plaisir à son père. Avocat, tu seras mon fils. Alors, il l'a fait. Mais tant qu'à faire avocat d'affaires, autant faire dans la musique. Bingo, il signe dans la maison de disques des Beatles. Le problème, c'est que les Beatles sont déjà signés depuis longtemps et que lui, les contrats dont il va s'occuper sont plutôt ceux des To Be Free et autres joyeusetés qui ramènent du cash pour que la maison développe des vrais artistes indés. Ça, c'est la caution morale pour signer des merdouilles qui font du cash. Et puis vient la crise et notre avocat prend le plan de licenciement par la poche et les quelques sous qui vont avec pour ouvrir son label. Un label par temps de crise, est-ce bien raisonnable? Il est tellement amoureux des talents qu'il signe, il n'en manque pas dans le monde du jazz, qu'il fait même le tour des radios, parmi lesquelles notre belle maison de Radio France, dont il arpente inlassablement les couloirs longs, ronds, interminables, avec la foi d'un pèlerin sur les chemins de Compostelle, frappant au bureau des producteurs éclairés qui ont encore des oreilles, et il y en a plein dans cette maison. C'est l'histoire d'une chanteuse. Elle naît dans un coin de Belgique, mais la vérité, c'est que son cœur, lui, naît au bord du Mississippi, même si ses pieds ne s'y sont jamais trempés. Certains enfants se racontent que leurs parents ne sont pas leurs vrais parents, qu'ils ont été adoptés. Ça leur permet de s'enfermer des heures dans leur chambre en se rêvant une lignée glorieuse. C'est le syndrome de la princesse. Moi-même, je croyais que j'étais une princesse arménienne. Mais bon, notre princesse... C'est pas le cas. Moi, je suis déçu aussi, du coup. Notre princesse ne va pas jusque-là, parce que même si elle n'est pas née au bord du Mississippi, elle s'y rend quand même tous les dimanches, à l'église, où son père officie en tant que pasteur. Et elle chante le gospel en Belgique avec autant de ferveur qu'à Jacksonville. C'est l'histoire d'un chroniqueur de France Inter un peu bordélique qui chaque semaine s'attaque à la pile de disques qui grandit sur son bureau et dont l'inversion de la courbe est aussi improbable que la réélection de François Hollande. Mais qui sait ? Toujours est-il qu'un jour il tombe sur une lettre manuscrite qui contraste avec les bulletins marketés des maisons de disques. Si la voix est le miroir de l'âme, l'écriture trahit la personnalité de l'auteur. La calligraphie élégante, les courbes pleines. Notre chroniqueur, qui n'est pas graphologue mais plutôt graphomane, a soudain un pressentiment, sa moustache tressaille, il écoute et bingo, François Hollande va être réélu. Non, la chanteuse a tout simplement une voix délicieuse. C'est aussi difficile de trouver une nouvelle voix dans le monde du jazz que sur la face nord de l'aiguille verte dans la vallée de Chamonix. Il faut d'abord avoir avoir intégré les aînés, Sarah, elle a Billy l'intouchable. Ensuite, il faut s'en émanciper, il faut trouver sa propre manière d'interpréter les standards. Et puis, il faut avoir des oreilles grandes comme le déficit commercial de la France et la souplesse d'un comptable de Big Malion pour improviser sur des grilles harmoniques aussi complexes que le code du travail en France. C'est l'histoire d'un gars qui hérite d'un club de jazz rue des Lombards. Et plutôt que de faire fortune en le transformant en brasserie, il décide de continuer l'exploitation du club. Une blague américaine. Vous savez comment, après un an de gérance d'un club de jazz, on se retrouve avec $1 million ? C'est qu'à la base, on en avait deux. Allez, fin du suspense. Grâce au chroniqueur Foutraque, le patron du club décide de passer la chanteuse belge. Et l'avocat parisien la signe dans son label. C'est pas une belle fin, ça ? Dans le rôle de l'avocat repenti, Pierre Darmon et son label Bonsaï. Allez-y, il a que des chefs-d'œuvre. Dans le rôle du patron du jazz club, Stéphane Portet, et son club, le Sunset, 60 rue des Lombards. Et devinez qui c'est qui passe à Paris ce soir dans ce club ? Eh ben, c'est la princesse belge du Mississippi qui n'est autre que Christelle Vautier. Et tout ce bonheur arrive grâce à qui ? Grâce à vous, Charline, et à votre belle émission sur cette belle radio qu'est France Merci Inter. Merci, André Manoukian. Before a song changes in patience, my feet are spinning all around. The game is on. Love and passion. She dresses up her eyes and mine. She can't choose who she wanna be. Telling any story through a simple melody. She feels like a playing trying to let it go. Let it go. Morning will be heard. He wants to sing a song of sorrow for the whole wide world to know. His broken voice is healing. Self-scenting of rain. A heartache seeped in pain. He feels like he's sharing trials. Christelle Vautier, pourquoi ? Parce que la lumière n'était pas allumée. Ah, pardon. On a des soucis aujourd'hui, ça. Before a song, j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Oui, la petite lumière rouge qui m'indique que nous sommes avec vous, chers Exactement. Auditeurs. Mais oui, c'est du jazz, c'est beau. Et elle vient de la Louvière en Belgique, c'est ma ville. Exactement. On n'est pas nombreux, il y a Enzo Schifo. C'est vrai. Par contre, le chanteur, je salue la scène musicale belge qui est quand même assez exceptionnelle. Que ce soit dans le jazz, que ce soit dans l'électro, plutôt assez pointu et plutôt très éveillé musicalement. Merci André Manoukian. Vous écoutez de la musique Tintin en tatouant ? Il y a oui. des choses un peu apaisantes Tout ou qui fait. Vous mettent dans un move Oui, bah oui, on vit en musique, forcément. Hein. Toute la journée, vous écoutez ouais, la musique, quand alors surtout quand je tatoue, en fait. Pas du hard, faut pas riper, mais un truc... J'écoute un peu de tout, il n'y a pas de règles. Tintin en tatouant, c'est plutôt du Bobby Lapointe, du coup, peut-être, vous écoutez. Tout à fait, ouais, je connais tout le répertoire. Tintin qui est avec nous, qui est l'organisateur du Mondial du Tatouage, du 4 au 6 mars, à la Grande Halle de la Villette, avec des tatoueurs de 30 pays différents. Et vous, Guillaume Meurice, vous trouvez l'information au coin de la rue, pas besoin de... Oui. Pas besoin d'un petit peu. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais vous parler lutte contre la pauvreté aujourd'hui. Et on va s'attaquer aux principales causes de pauvreté en France, qui sont, petit quiz comme ça, principales causes de pauvreté en chômage. France. Chômage. Non. Les pauvres, évidemment. C'est facile. Hein, plus de pauvres, plus de pauvreté, c'est logique. Alors, le maire du 16e arrondissement, Claude Goasguen, l'a bien compris. Et il a décidé de s'opposer à un projet de centre d'accueil pour les SDF dans le bois de Boulogne. Il a même fait une réunion publique pour s'expliquer là-dessus. Vous allez en entendre un extrait parce que cette réunion a été captée par les micros de nos collègues de France Culture. Et les habitants du 16e ont profité de l'événement pour reprocher à Claude Goasguen son manque de virulence dans son opposition au projet. Ils l'ont même traité. Alors, attention, parce que ça peut choquer. Vous êtes prêts? Ils l'ont traité de mou du genou. C'est violent. Wow. Non, mais mou du genou dans le 16e, c'est hyper violent. Hein. C'est l'équivalent de ta mère suce des poneys dans le reste de la France. C'est quand même lourd. Et Claude, ça lui a pas trop plu, ça. Alors écoutez ça. Écoutez. C'est bien la première fois qu'on me dit que j'ai mou du genou. En général, c'est pas vraiment la réputation que j'ai. Mais vous me direz peut-être en vieillissant, oh, peut-être qu'il s'est calmé. Non, il ne s'est pas calmé. Car visiblement, la mairie de Paris considère le bois de Boulogne comme le dépotoir qu'elle ne peut pas mettre ailleurs. Voilà, alors le dépotoir, c'est donc le fameux centre d'accueil des personnes en difficulté. Dans le 16e, il y a un langage spécifique. Un centre de SDF se dit dépotoir, fraude fiscale se dit optimisation, voilà. Caniche se dit le chacha, sa maman, il est beau, oh, il est beau. Voilà, il y a un patois local, hein, faut apprendre à le connaître. Bon, en tout cas, vous l'avez entendu, Claude, il s'est pas calmé du tout, et moi j'aime ça. Moi j'aime ça, la fougue, la ferveur. Alors bah, je l'ai appelé, Claude, et je peux vous confirmer qu'il s'est pas du tout calmé. Alors pourquoi? Parce que j'en ai un peu marre de me faire traiter de sale égoïste non solidaire par des gens qui ont un passé communiste qui n'est pas particulièrement reluisant de ce point de vue. Mais vous l'accepteriez, ce projet, ça leur claquerait le bénit. Je n'accepterais pas ce projet. Comme ça, ils arrêteront de vous considérer comme un égoïste. Non, mais ils me considèrent comme ils veulent, je m'en fous complètement. Ah, il s'en fout, Claude. Il est comme ça, vous n'avez qu'à penser ce que vous voulez. Il est libre, Claude. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Pas voler comme un pauvre. Non, parce que justement, Claude, il veut pas que ce centre soit proche des habitations parce qu'il a peur que ça fasse monter l'insécurité. Il a peur de ça et il est colère. Alors, j'ai essayé de le calmer, de le rassurer, de lui montrer plutôt le bon côté des choses. Mais bon, ça n'a pas marché très fort. Dans le 16e arrondissement, ça leur ferait du bien de voir des pauvres, finalement. Mais il y en a des pauvres dans le 16e arrondissement. On a eu à Varize, on a eu des centres d'hébergement. Le problème n'est pas de voir des pauvres ou non. Le problème, c'est si possible de ne pas les mettre dans le bois de Boulogne. Mais alors, vous vouliez les mettre où? Mais il faut les mettre dans un endroit habité. Enfin, je comprends plus rien. Idiot. Mais si, je trouve que les gens ont raison de s'inquiéter de la perspective d'avoir des robes. Alors, ah oui, mais vous voulez les mettre dans des endroits encore plus proches des habitations, alors ils vont encore plus s'inquiéter. Mais il n'y aura pas que des Roms, il y aura des sans-papiers, il y aura des sans-domicile fixe, on ne sait pas, je ne sais pas du tout qui y aura là-dedans. Donc il y a bien une marque de bien vouloir marquer au fer rouge, j'emmerde le bourgeois. Oui, bon, alors j'ai pas bien pigé que Claude veuille finalement mettre les Roms encore plus près des habitations, mais c'est vrai que parfois la colère nous fait dire des conneries, ou écrire des conneries, Alain Finkielkraut par exemple, c'est un bon exemple là-dessus. Claude, il est énervé, et comme ça il en a ras-le-bol de toutes ces discriminations envers le bourgeois dans le 16e. L'image du 16e arrondissement est une image bourgeois. Mais c'est pas parce qu'on est un bourgeois qu'on est forcément considéré comme un pestiféré. Vous pensez qu'il y a une traque aux bourgeois en ce moment? Oh là là. Bien sûr, vous le savez d'ailleurs, ça n'arrête pas. Évidemment. Le bourgeois en a marre. Mais vous comprenez? On n'en parle jamais de ça. Mais non, heureusement que je suis là, Dédé, aujourd'hui. Voilà. Le bourgeois, on a ras la casquette, le bourgeois, d'accord? La casquette Lacoste, mais la casquette quand même, d'accord? Il en a plein les bottes Gucci, le bourgeois. D'ailleurs, est-ce que Claude lui-même se considère comme un bourgeois? Moi, je m'en fous d'être un bourgeois ou pas un bourgeois. Mais c'est pas une insulte d'être un bourgeois. Non, mais est-ce que vous considérez comme tel? Non, pas assez. Voilà. Et c'est ça qui est beau avec Claude. Il aura envie d'être encore plus bourgeois pour être au plus proche du calvaire vécu par ses administrés. Alors, reste une question en suspens, bien sûr, celle des habitants du 16e arrondissement. Est-ce que Claude est mou du genou? Non, je suis pas mou du genou, rassurez-vous, mais ça montre à quel point l'exaspération est forte pour que moi-même, qui n'ai pas la réputation d'être un maire tout à fait mou du genou, puisse être considéré comme tel. Alors je les ai rassurés, et surtout je leur ai dit de ne pas faire de conneries. Qu'est-ce qu'ils proposaient? Ils proposaient, vous l'avez vu d'ailleurs, il y a un certain qui disait, mais puisque c'est comme ça, on va faire péter tout, etc. J'aurais dit de ne pas s'amuser à ce genre de choses. Ah oui, heureusement qu'il a calmé le jeu, parce qu'un bourgeois du 16e qui s'énerve, ça peut quand même aller vachement loin. Il peut s'immoler en s'aspergeant de numéro 5 de Chanel. Si le pull en cachemire n'est pas inifugé, c'est quand même dangereux. Non, mais il peut faire tout péter le bourgeois, Claude, il l'a dit. Et ça, il veut pas parce que Claude, il est responsable, d'accord? Enfin, il est responsable quand il est à la radio. Parce que quand il est en réunion publique, il disait quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dynamite la piscine d'Auteuil? Si vous savez le faire, ne vous gênez pas. Mais essayez de ne pas vous faire repérer. Voilà, il est responsable. Il veut pas que le bourgeois du 16e se fasse repérer. Il sait comment organiser la révolution, Claude. Alors en avant, camarades bourgeois, debout, les nantis de la terre, propriétaires de tous les pays, unissez-vous. Et pour les autres, ayez pitié, s'il vous plaît, des pauvres riches. Merci Guillaume Meurice. Sur France Inter, avec le tatoueur Tintin, il arrive que vous tatouillez. Vous tatouillez des fois ? Ça tatouille ou pas ? Vous tatouillez dans le café ? Je sais pas, oui, le cliché de l'enfant de bonne famille, comme ça, bien... Ah oui, oui, oui, ouais. Tout à fait, oui. J'en ai tatoué dans la famille Rothschild. Oh, mais... Un mouton. Oh, le code du coffre. Oh, ah, mais c'est punk. Ils veulent... Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent dans ces cas-là? La même chose que les autres. Il y a un truc universel avec le tatouage. Oui, c'est ça, ça touche les chefs d'État, de gauche comme de droite. Il y a toujours la fameuse anecdote de Yalta qui dit que De Gaulle n'était pas à Yalta parce qu'il n'avait pas de tatouage, parce que Roosevelt avait un tatouage. Churchill aussi et Staline aussi. Ah bon, alors là pour les vérifier. Et on connaît la nature de ces tatouages. Staline avait une tête de mort, Churchill avait une sorte d'armoirerie, je crois. Mais voilà un sujet pour Jean-Lebrun. Roosevelt avait un tatouage des Marines. Wow. On va aborder le deuxième sujet avec vous, Tintin. Même pour obtenir un stage, il faut faire jouer les réseaux de papa et maman. Le jeune d'aujourd'hui ne part pas avec les mêmes chances que ses parents au même âge. L'Express consacre un dossier à la jeunesse. Mais bon, est-ce qu'on est sûr que les jeunes font des efforts aussi en ce moment? C'est vrai, c'est vous les jeunes, c'est vrai, vous êtes pas... Non. Vous êtes jamais très gai. Bah, il reste dans toute la journée enfermée, à lire des livres. C'est bien. Vous m'avez dit, il y a autre chose à faire quand même, non? Surtout à ton âge, franchement. Ouais, nous, regarde, avec tonton Duquesne, on était... À ton âge, hein. On avait des ruines coordonnées, je vais te dire qu'on se tirait des sacrés... C'est autre chose, hein. Les déchets, bien sûr. Alors, c'est un dossier à lire dans l'Express qui est publié ce matin. Plus de 25% des 15-25 ans sont au chômage. Les inégalités se creusent entre ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. Vous, Tintin, est-ce que vous êtes inquiet pour la jeunesse démarrer dans la vie, c'est déjà pas facile. Ça imprime le mouvement pour toute une vie et quand on commence avec des difficultés, c'est pas évident de rattraper le coup après. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez un peu autour de vous ou vous en êtes plutôt préservé? Non, on observe, comme tout un chacun, tout ce qui se passe dans la société. On peut mettre ça au niveau des jeunes qui veulent être tatoueurs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent devenir tatoueurs. J'allais vous le demander. En de couler gros, rapidement, sans faire aucun apprentissage et sans faire aucune preuve. On veut avoir tout de suite. C'est un peu la société du tout de suite. Donc voilà, ils ont été éduqués dans une société où on a tout sans beaucoup travailler, effectivement. Oui, on peut se rendre compte de ça. Ils se disent que le tatouage est très en vogue, donc il y a peut-être. Il y en a beaucoup qui veulent devenir tatoueurs. Hein, ça, c'est il y en a des centaines chaque jour. Ah peut-être bon, quelles sont leurs motivations? Le tatouage, on pense que c'est un métier qui est facile, qui est cool, voilà. Est-ce qu'il y a Jackson Pollock du tatouage? Parce que il dessinait pas très très bien. Du coup, il s'est dit, je vais jeter un peu de peinture et ça a cartonné. L'histoire de l'art. Il y a même des jeunes hipsters qui s'amusent à tatouer avec des machines qu'ils ont fait eux-mêmes avec des moteurs de magnétocassette pour faire comme les bandits en prison à cette époque-là. C'est tellement classe, si on peut se surfiler de maladie au passage, c'est encore plus classe. Oui, non, mais c'est ça, on voit vraiment tout et vraiment oui. Et alors quel est le parcours? Alors qu'est-ce que vous leur conseillez dans ces cas-là? Mais on aimerait bien déjà que l'État puisse reconnaître notre profession d'une manière un peu plus officielle et qu'on puisse prendre des apprentis, qu'on puisse avoir des apprentis comme n'importe quelle profession, ça on peut pas vraiment quoi. Donc les apprentis, c'est des potes qu'on aide et qui viennent dessiner chez nous et ils ont pas vraiment de statut, c'est pas vraiment facile. Il faut aussi s'imprégner d'un univers culturel, il faut développer son style pour ne pas être un moine copiste de l'avant-bras, quoi. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moines copistes de l'avant-bras. Malheureusement, il y a des nouvelles techniques, c'est-à-dire des machines rotatives qui veulent dire que voilà, il y a plein de jeunes tatoueurs qui seraient pas devenus tatoueurs si ils avaient toujours le matériel que j'utilise moi aujourd'hui, parce qu'il faut en plus être bricoleur et savoir le régler. Donc là, il y a plein de nouveaux matériels qui fait que c'est facile, on l'éclipse rapidement, on devient tatoueur assez rapidement, mais et puis ils tatouent un peu comme des imprimantes. Vous savez, on prend les dessins, on les recopie, on calque tout, on sait pas vraiment dessiner, mais on reproduit comme avant dans les calques comme les peintures à numéro, vous savez. Ouais. Donc on entoure tout et bon, il y a pas beaucoup d'artistique là-dedans, mais voilà. Alors sachez que ça ne tombe pas tout cuit dans la bouche, donc hein, si vous voulez devenir tatoueur. C'est ça. Et faites un tour au Mondial du tatouage alors, du 4 au 6 mars à la grande halle de la Villette. Peut-être qu'on y trouvera Juliette Arnault, qui sait. J'ai plombé l'ambiance là en fait. Mais non. Non. Attendez. Vous savez, cette émission, c'est un peu la douche écossaise. On est sérieux, pas sérieux, et faut y retrouver. Un chat n'y retrouvera pas ses jeunes, hein, sauf Juliette Arnault, c'est à vous. Bien sûr. Alors aujourd'hui, la chambre de Giovanni de James Baldwin. Un journaliste qui l'interrogeait sur le malheur d'être aveugle, Ray Charles, répondait « Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi, j'aurais pu être noir. » Bien drôle, sympa. Bonne vanne. James Baldwin, donc l'auteur de la chambre de Giovanni, n'était pas aveugle, mais il était homosexuel. Voilà ce qu'il répondait à un autre journaliste qui l'interrogeait dans les années 70 à peu près à la télévision anglaise. Now when you were starting out as a writer, you were a black, impoverished, homosexual. You must have said to yourself, gee, how disadvantaged can I get? Oh no, I thought I hit the jackpot. Oh great. Donc, je vous traduis, le journaliste dit à James Baldwin, quand vous avez commencé à être écrivain, vous étiez noir, pauvre et homosexuel, vous avez dû vous dire, bon Dieu, comment pourrais-je être plus désavantagé? Et ce délicieux type qui est James Baldwin de répondre, oh non, j'ai pensé que j'avais tiré le gros lot. Bref, très drôle aussi. James Baldwin naît en 1924, il a 9 frères et sœurs, il n'est pas reconnu par son père biologique, il est pauvre à crever, et il se forme à l'écriture loin des campus chics de l'Ivy League. Puis, en 1948... Des campus de ? De l'Ivy League. C'est les 8 universités sur la côte est américaine qui sont les plus chics et donc les plus chères. Parce que l'éducation, c'est un truc de... riche, surtout aux États-Unis. De salauds de riches. De salauds de riches. Bien aujourd'hui. Donc en 1948, James Baldwin a 24 ans. Son meilleur ami Eugène, qui est noir, qui est candide, qui est très loin de la colère qui anime James Baldwin et qui est amoureux d'une jeune fille blanche, se tue en se jetant d'un pont à New York. Baldwin quitte alors New York pour toujours et il s'installe à Paris. Il dira plus tard, ce que l'Europe continue d'offrir à un Américain, ou nous offrait, est la sanction, pour peu qu'on soit prête à l'accepter, de devenir soi-même. David, le héros de la chambre de Giovanni, a du mal à devenir lui-même. Au début du roman, il erre dans Paris. Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, il se fait envoyer un peu d'argent par son père. Et quand il est en veine, il traîne dans des lieux de plaisir et de fête, rive gauche, et notamment dans un bar homosexuel, tout en disant attendre le retour de sa fiancée. Et là, américaine comme lui, voyageuse comme lui, et qu'il était fini, quittera l'Espagne, lui reviendra, et ils seront bien contents, et ils auront beaucoup d'enfants, bien blancs, bien propres, bien américains. Sauf que, dans ce bar, au milieu des Français, il rencontre un jeune homme italien, Giovanni donc, barman, pauvre, futé, sensible, beau à se tuer, et qui lui dit qu'ils vont tous les deux exilés, devenir amis. Bon, c'est-à-dire qu'ils vont surtout devenir amants. Non, Alex, je ne révèle rien. Le livre, il s'appelle quand même La chambre de Giovanni. Hein, là, il y a quand même un gros indice par rapport à, je ne sais pas, le château de ma mère ou Mémoire d'un âne. Un Brokeback Mountain, ça va arriver. Voilà. Commence alors un été hors du temps dans la pauvre chambre de bonne de Giovanni. Mais David s'arc-boute contre cette idée. Il n'a pas envie, David, d'être gay. Il a honte, il a peur. Il préférait que les choses soient simples. Je vous rappelle qu'en 1960, l'homosexualité est considérée comme un fléau social. Et en 1968, amélioration, ça n'est plus qu'une maladie mentale. Pourtant, David, averti par un témoin, plus âgé que les deux jeunes amants, homosexuel lui aussi, lui dit la chose suivante. Aime-le. Aime-le et laisse-le t'aimer. Tu crois qu'il y a autre chose qui compte sur cette terre? Et combien de temps penses-tu que ça puisse durer au mieux, considérant que vous êtes des hommes et que vous avez toute la vie devant vous? Pas plus de 5 minutes, je te le garantis, 5 minutes. Et la plus grande partie de ces 5 minutes, hélas, dans le noir. Et si tu penses qu'elles sont sordides, elles le seront. Parce que tu ne donneras rien, parce que tu mépriseras ton corps et le sien. Mais si tu peux faire que ce soit tout le contraire, vous pouvez vous offrir l'un à l'autre quelque chose qui vous rendra meilleur à tout jamais, si tu abandonnes cette honte, si tu ne fuis pas le risque. Bon, alors je préfère être honnête. Sur l'échelle de la tragédie, que je viens d'inventer. Alors, l'échelle de la tragédie. À 10, c'est le chouette Sophie. À 1, c'est l'âne trop se fait mal à la papate. La chambre de Giovanni, eh ben on est à 8. Voire à 9. Mais, la chambre de Giovanni, a ceci de rare dans l'œuvre de Baldwin qu'il a pour décor Paris et pas les États-Unis, et que ses personnages sont blancs et pas noirs. Alors on se demande où est passé, voire caché, le fervent militant de la cause noire américaine de d'habitude, celui du Harlem Quartet ou de la conversion. Eh ben il est pas loin. Il traite encore et toujours de la difficulté d'être né du mauvais côté de la barrière, de la colère qui en résulte et de ce qu'on en fait. James Baldwin en 2016 n'est plus tellement à la mode. Remettons-y-le, s'il vous plaît. Merci Juliette Arnaud, vous rappelez les références du livre? Oui, la chambre de Giovanni, James Baldwin, au rivage poche. Merci, vous êtes sur France Inter, on est en compagnie de Tintin, le tatoueur qui organise le mondial du tatouage du 4 au 6 mars à la Grande Halle de la Villette. Et le troisième sujet qu'on va aborder avec vous, bien aujourd'hui c'est le Leonardo Day. Son visage tapisse les murs de la ville et de tous les journaux. Le type marche sur l'eau, sa carrière a démarré très tôt, le petit DiCaprio, ça lui est tombé tout cuit dans la bouche lui. Il n'y avait pas de gamin plus heureux que moi. Je pouvais aller où je voulais, faire ce que je voulais. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Mais voilà, mes parents ont pas tardé à changer d'avis sur mon boulot. Pour eux, c'était qu'un petit boulot à mi-temps. Et pour moi, c'était tout vu. C'était du plein temps. Après, tu reviendras, je vais avoir des steaks. Je voulais rien faire d'autre. Les gens me regardaient plus de la même façon. J'avais plus à faire la queue à la boulangerie le dimanche matin pour avoir du pain frais. Peu importe le monde qui attendait, on s'occupait de moi d'abord. Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi ? Par respect. Les affranchis. Si le doubleur reçoit l'Oscar aussi. si Leonardo vous demande un rendez-vous là, tout de suite demain, vous lui ouvrez les portes, Tintin, malgré votre agenda surchargé. Oui, ouais, il y a des gens pour qui on ouvre l'agenda plus facilement que pour d'autres. Oui, c'est vrai. Effectivement. Leonardo DiCaprio, c'est quand même l'acteur qui est en train de devenir une légende vivante, non ? Est-ce que vous êtes fasciné par certains acteurs ? Est-ce que vous avez comme ça un panthéon Oui, il y en a plein que j'aime bien. Il y en aurait tellement un panthéon. Pas forcément comme acteur d'ailleurs, parce que vous tatouez pas mal de Happy Few. Oui, mais bon, je tatoue pas non plus que des acteurs ou que des chanteurs. Hein. C'est peut-être 1% de ma clientèle, mais effectivement, j'en ai tatoué pas mal, oui. Ouais. Et s'il fallait donner un 3 dont vous rêvez ? Que je rêvais de tatouer ? Ouais. Vous pouvez dire les bords. Penélope Cruz. Vanessa Paradis. Ah, oui. J'en sais rien. André Manoukian. Ça va être que des filles. Que des filles ! Il y a des gens qui ont une tête à tatouage ? Bah pas vraiment, non. Non, ça n'existe pas. Des peaux à tatouage, il y en a, mais pas des têtes. Ah, bon. Une bonne peau à tatouage, elle est épaisse ? Elle voit pas trop le soleil, quoi. Le soleil et le tatouage sont pas très copains. C'est un truc de vampire. C'est foutu. Si vous faites Casimir, il y a déjà la couleur. En tout cas, vous pouvez entrer dans la légende de la comédie maintenant, si vous le voulez. Alors, à la fin de l'émission, c'est l'heure du sketch. Je vous propose de jouer votre propre rôle et de recevoir pas mal de politiques qui viennent dans votre salon pour vous demander deux, trois choses. On y va, on s'y rend tout de suite. Monsieur Tintin ? Oui, Madame El Khomri, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Alors, je voudrais dans le bas du dos des chiffres romains. Ah, très bien. La date de naissance de vos enfants ? Ah ben non, plutôt mon chiffre porte-bonheur. 49-3, mais discret, hein. C'est pas que les gens me voient rire avec mon 49-3. Hein. Bonjour, jeune entrepreneur. Ah, monsieur Valls, je vous tatoue quoi ? L'écusson du Barça ? Non, j'aimerais me faire tatouer dans la paume de la main. Je suis socialiste. Attention, c'est douloureux, là. Hein. D'être socialiste ? Non, de se faire tatouer dans la paume de la main. Ah oui, mais moins que d'être socialiste, du coup. Ah, mais pourquoi vous voulez vous faire tatouer cette phrase ? Ah bah, comme ça, quand je regarde ma main, je m'en souviens. Vous savez que ce matin, on a eu votre ami Pierre Gattaz ? Ah, génial ! Qu'est-ce qu'il s'est fait tatouer, mon Pierrot, le logo du MEDEF ? Non, beaucoup mieux. Tout le code du travail. Il en est tellement content. Bonjour. Madame Pellerin, qu'est-ce qui vous amène ? Le temps. Là, j'ai beaucoup trop de temps. Je voudrais me faire tatouer une citation. Une citation de qui ? Un certain Modiano. Alors, je la voudrais sur l'omoplate, s'il vous plaît. Oui, mais sur l'omoplate, vous n'allez pas la voir. Bah, ça tombe bien, parce que j'ai toujours pas envie de le lire. Monsieur Tintin, bonjour. Je voudrais un tatouage de ma femme sur l'avant-bras. Ah bah, alors ça, c'est une belle preuve d'amour, monsieur Sarkozy. Ah bah, c'est surtout pour la regarder sans qu'elle se mette à chanter. Ah bah, c'est marrant, monsieur Hollande est venu se faire tatouer le visage de son amoureuse aussi. Ah bah, j'espère que vous n'avez pas mis trop d'encre, hein, au cas où ça changerait bientôt. Bah, disons que quand Jean-Marie Le Pen est venu se faire tatouer toute sa famille, c'était doublement rentable. Pourquoi doublement ? Bah, comme il est revenu pour se faire du laser pour en effacer une partie. T'avoue ? Monsieur le maire, qu'est-ce que je peux pour vous ? Vous m'avez reconnu ? Mais ça y est, je suis connu ! Je vais gagner l'élection ! Vous m'avez vu à la télé ? Ah non, mais c'est la 18e fois que vous venez, puis vous commencez à repartir sans rien faire. Bah, j'aimerais bien faire un tatouage, mais j'hésite. Ça se fait de se faire tatouer son propre visage ? Bonjour, amis coloristes épidermiques. Monsieur Montebourg. Oui, alors, je voudrais, sur mon postérieur, marquer Made in France. Bon, très bien. Mais vous allez vous asseoir dessus. Mais bien sûr que je m'assois sur le Made in France. Mais c'est vendu électoralement. Eh oui, ça se passe bravo comme ça. Impeccable, monsieur Tintin. Alors, Alex, est-ce que vous oseriez dire devant Tintin ce que vous nous avez dit dans le bureau hier en préparant l'émission ? De toute façon, s'il ne le dit pas, moi je le répète. Voilà. Allez-y, répétez. Non, parce que je ne m'en souviens pas exactement, ça sera mieux si vous le dites. Qu'est-ce que j'ai dit que... Au niveau de la chaussette. Oui, une question moi j'aime bien changer. Alors je me suis dit, bah, c'est comme se faire greffer une chaussette, même quitte à ce que ce soit une belle chaussette, mais on est coincé. Si on a envie de changer de chaussette le lendemain, on est coincé. Ah, c'est tout le principe. Ouais. Voilà, ouais. J'ai bien mais compris. Mais bon, ça sent moins mauvais que les chaussettes qu'on garde. Quoi. Merci, Tintin était avec nous, l'organisateur du Mondial du Tatouage, du 4 au 6 mars à la Grande Halle de la Villette. 350 tatoueurs de 30 pays différents. Merci d'être resté avec nous. Et je vais demander à Éric Morin, à la technique, de lancer le mot de la fin, qui est celui-ci en fait. Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter les mailles de tes dents.